وابن القيم له كلام مفيد جدا في الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. C'est un كتاب très important et il est نافع. في الحقيقة كثير من هذا الكلام كمذكور في هذه الرسالة تلتخوف في الوابل الصيب. Certains passages. C'est un livre, il est important, c'est Al-Azkar. Avant de citer Al-Azkar, il cite en guise de Muqaddima comme introduction des Abwab Nafi'a, fi Salat, fi Dhikr. Kadhalik, il a cité plusieurs fawa'id, plus de 100 fa'ida fi Dhikr. Thumma, rahmatullah alayh, il a cité Al-Azkar. Qu'est-ce que tu dois dire quand tu rentres chez toi, quand tu rentres au masjid, il a akhiré. C'est un kitab tayyib, jiddan. Al-Wabil, as-Sayyib. Qal fi. رحمة الله عليه صفحة 43 ست نسخة طبعت دار عالم الفوائد. قال رحمه الله الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان. الالتفات c'est le fait de se retourner, se détourner. Il y a deux cas في الصلاة. قال التفات البصر, ça peut être le regard, مثلا au lieu de regarder en face de toi ou l'endroit du sujoud, فواحد يرغد à droite à gauche. Ça c'est le premier iltifat. قال والثاني التفات او le premier, انا j'ai inversé, le premier احدهما التفات القلب عن الله عز وجل. Le premier, on répète, التفات القلب عن الله. Il est en apparence concentré, tu le vois debout, son regard en direction du sujoud, et il est mutma'in en apparence, اي debout, ثم il fait ركوع, il reste incliné à un certain moment, il se relève. Lakin, son qalb, il est ailleurs. Imma, il pense à Dunya, imma, il pense à son travail, imma, il pense à des projets, imma, il pense... À la fin de la salat, s'il se pose la question, Obama, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a récité, quel sourd il a récité, quel dua il a fait, il était ailleurs. Ça, c'est le premier et il est grave. Le deuxième, qal iltifat ul basar. Aïe, le regard. Au lieu de rester, aïe, son regard en direction de... du sujoud, l'endroit qui fait sujoud, à droite et à gauche. قال ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته. الجزاء من جنس العمل. Plus l'insan est concentré, il donne de l'importance, il a agré, فالله سبحانه وتعالى il le récompensera. قال ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته. قال فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. S'il n'est pas concentré, il se détourne avec son regard ou son cœur, fa Allah subhanahu wa ta'ala il le délaisse. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an iltifat ar-rajul fi salatihi fa qala huwa ikhtilas yahtalisuhu ash-shaytan min salati al-'abd. Shaytan sa'ad fera tout pour écarter l'insan min as-salat. S'il peut complètement, tu la fais pas aslan. لماذا لأن عدو الله lui-même il a refusé de faire cela. Il n'a pas voulu se prosterner devant Adam, et c'est un amr min Allah. En fait, c'est une salat lillah. Allah il lui a azza wa jalla il lui a ordonné et il n'a pas voulu. Et عدو الله il fera tout pour que la plupart des gens ils le suivent. Si il peut pas détourner واحد من الصلاة بالكلية, il fera tout pour détourner son cœur. أي أنه لا يستفيد من هذه الصلاة. Ou il fait rentrer الرياء والشرك في قلبه. حتى يفعل صلاة pour un autre. Si il peut pas, bah, il essaiera de le combattre. Peut-être qu'il est pas concentré, مثلاً, à la fin de son qiyam. Peut-être qu'il se précipite la dernière rak'a. Mouhim, il essaye de lui enlever quelque chose. قال رحمة الله عليه ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان. تأملوا هذا المثال. ابن القيم رحمة الله عليه il est قوي في هذا الباب. Il cite souvent dans ses livres des exemples. Alors, il va comparer celui qui se détourne, que ce soit qui détourne son regard ou son cœur, avec un homme qui est en face de sultan. Un sultan, c'est l'amir, un roi. Il est en face d'un roi. Cet homme, il est en face du roi, debout. وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا. السلطان الأمير il a convoqué cette personne pour lui parler. Cette personne elle est en face de l'amir et le roi quand il parle هو il se détourne à droite à gauche. Est-ce que l'amir il va accepter هذا؟ أبدا. Et tu trouves Ammatunnas fi hadal hal, sauf peut-être un majnoun. Amma aaqil, quand il est en face de l'amir, il a un comportement. Quand il parle, tu le regardes et tu l'écoutes. Et c'est ma'rouf hada 'inda an-nas. Li'anna al-amir lahu haiba wa lahu manzila. Qala aw qad insarafa qalbuhu 'an as-sultan fala yafham ma yukhatibuhu bih li'anna qalbuhu laysa hadiran ma'a. Aw il est ailleurs. Il est en face du sultan, lakin Al-Amir lui-même, il ressent que Hada, il ne l'écoute pas. Il a le qalb ailleurs. Obama, s'il lui demande quelque chose, il voit qu'il n'est pas là. Est-ce que l'Amir, il va accepter Hada? Ah, peut-être. Qala, fama dhannu hada al-rajul an yaf'al bihi al-sultan. Hada, l'an, il risque certaines choses. Obama, al-sultan, yu'aqibuh. Obama, il l'enferme. Obama, il le punit. C'est pas simple, hada al-mouqif. Qala, أفليس أقل مراء المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه. Ça c'est le minimum, كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. S'il n'est pas puni, s'il n'est pas enfermé, il a akhiré. فربما أقل شيء, c'est que le sultan, l'amir, il va partir énervé et cet homme, il n'aura plus aucune menzila. Et il n'aura plus aucune valeur عند l'amir. La chèque, il ne l'appellera plus, la chèque, il le délaissera. Léanna, il ne veut pas l'écouter, il ne lui donne aucune importance, il le délaissera. قال رحمة الله عليه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته ودلت عنقه له واستحي من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه فالصالح العابد المحسن quand il est debout في صلاته il fait ça لله عز وجل et il a un comportement خشوع. C'est pas parmi le bon comportement de détourner son regard à droite à gauche, plus grave encore lever son regard عياذا بالله في صلاتك. لا قال وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية رحمة الله عليه إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض رحمة الله عليه. قال أن deux hommes ربما ils sont dans le même rang, la même salat, et la différence entre ces deux salat c'est comme la différence entre le ciel et la terre. Et هذا إلى أجر عظيم إلى آخره. Pourquoi? Parce qu'il est concentré, son cœur il est présent, et l'autre ربما il a aucune récompense. لماذا لأن il est debout et son corps, son cœur il est ailleurs. Ou peut-être il est debout mais c'est pas pour Allah Azza wa Jal. قال ابن القيم رحمة الله عليه وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل. C'est ça la différence. Donc qu'est-ce qu'on retient nous? La salat c'est pas que haraka, aller au masjid, faire ruku' sujoud et revenir. C'est pas que ça la salat. Ça c'est obligatoire là, bud. Lakin encore plus important c'est حضور القلب, c'est que le cœur il soit présent. Al-khushu, tout ça bien sûr. Et on peut se poser la question comment faire, en appliquant ces six points. Al-ikhlas, et aujourd'hui kadhalik on a vu al-sitr, et kadhalik les prochains. Et il y a des choses qui éloignent de hada. Walihada qala wal-akhar sahin ghafil. Attention à al-ghafla. Ba'dhum alhamdoulillah il travaille et il se marie, il a des enfants et il fait les cinq salats et ça s'arrête là. Mitlaha oula, ils peuvent tomber très vite dans la routine. Il y en a six salats, il n'y a pas une préparation. Ilmun wa bahthun as'ila, des questions, si des choses tu les ignores ou tu ne sais pas comment faire. Des efforts dans la langue arabe, des efforts fi le Qur'an al-Karim, des efforts fi la compréhension. Obama, il tombe dans la routine. Il fait salat, lakin il n'aura pas la récompense. On ne dit pas que sa salat n'est pas acceptée là, s'il est mukhlis, s'il est akhir. Lakin Ibn al-Qayyim, ils vont en venir où, rahmatullah alayhi, dans beaucoup de ces passages, elle a fait attention de ne pas regretter. Falihada ba'duhum, il va avoir la récompense, ou la différence avec la salat d'un autre, c'est comme la différence entre le ciel et la terre. Fait tout pour être de ceux qui ont la récompense énorme. Al-Jannah darajat. Quand c'est fait dunya, on fait des efforts. Fait din, on doit faire encore plus. Hada al-kalam, kalamun anafis, et inshallah, on lira d'autres passages. D'autres passages من هذا الكتاب أما الآن الوقت ذهب أما ce فصل لنافع جدا. Il fait le lien entre le cœur et la salat, c'est muhim. Et c'est ça qu'on retire نحن de هذا الدرس. Et n'oubliez pas, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, l'un, il conseille un de ses frères. Et il l'a conseillé au départ dans des masa'il muhimma. C'était lié au cœur. On doit préserver ce cœur. Et l'un, la deuxième partie de la risala, ou la fin, c'est sur la salah. L'imad al-Yann Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, c'est l'importance de cette salah. Il a écrit un livre, il est nafi' jiddan, as-salah. Et ba'duhum, il l'appelle tarku as-salah. Et d'autres savants, ils l'appellent hukm tarik as-salah. Al-muhim, c'est sur salah. Et le haqiqa, l'appeler as-salah, c'est aqrab. L'imad al-Yann, il ne traite pas que le sujet de délaisser la salah. Une grosse partie du livre, c'est sur hada, lakin, c'est sur kadalik, des autres points dans la salah. Al-muhim, il a écrit un livre à ce sujet, rahmatullah alayhi. Et il sait l'importance. Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh. Il cite ce genre de hadith. Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. C'est amoud ad-din, c'est le pilier de ce din. C'est muhim jiddan. Et inshallah, on lira des passages de certains de ces livres, rahmatullah alayhi, wa nas'alullah 'azza wa jalla at-tawfiq was-sadad wal-i'ana bi'idhnillah 'azza wa jalla. Jeudi, on continue à la lecture de cette risala, et la lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères, rahmatullah alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.